Chapitre 22. Le suicide. Avec une vie aussi précaire et si peu de chances d'accéder à un bonheur futur, il est inévitable qu'on fasse bon marché de l'existence et que le suicide soit une chose tellement ordinaire qu'il devient impossible d'ouvrir un journal sans qu'il en soit fait quelques cas. On ne prend pas plus au sérieux dans les tribunaux de police le cas d'une personne qui a tenté de mettre fin à ses jours qu'une vulgaire affaire d'ivresse publique, qu'on traite avec la même rapidité et la même indifférence. Je me souviens d'avoir assisté à une affaire de ce genre, au tribunal de la Tamise. J'ai une très bonne vue, et je peux m'enorgueillir de bien entendre. J'ai également une connaissance assez complète des hommes et des choses, mais je dois avouer que je fus littéralement soufflé par la vitesse avec laquelle les ivrognes, les débauchés, les vagabonds, ceux qui battaient leurs femmes, ou faisaient du tapage nocturne, les voleurs, les receleurs, les joueurs et les prostituées passaient à travers la grande machine qu'est la justice. La barre qui se trouvait en plein centre du tribunal, là où la lumière est la plus intense, voyait se succéder, femmes, hommes et enfants, à une vitesse que n'égalait que celle des condamnations qui tombaient des lèvres du juge. J'en étais encore à réfléchir sur le cas d'un receleur poitrinaire qui, pour sa défense, prétextait son incapacité de travailler. Il a nécessité de nourrir sa femme et ses enfants et s'était vu octroyer une année de travaux forcés, quand un jeune garçon d'une vingtaine d'années lui succéda à la barre. Je pus saisir au vol son nom, Alfred Friedman. Mais l'accusation qu'on portait contre lui m'échappa. Une grosse mémère arriva à la barre en se dandinant et commença sa déposition. J'appris ainsi qu'elle était la femme du gardien de l'écluse de Britannia. C'était la nuit à un plouf dans l'eau. Elle court à l'écluse pour y trouver l'accusé qui se débattait dans la Tamise. Je détachai d'elle mon regard pour le porter vers le jeune homme. C'était donc ça, suicide manqué. Il se tenait immobile à la barre, les yeux éblouis par la lumière crue dans laquelle il se trouvait, son opulente chevelure brune retombant en broussailles sur son front. Son visage, hâve et décharné, avait cependant gardé un petit air enfantin. « Oui, votre honneur, disait la femme du gardien d'écluse, aussi vite que je faisais pour le tirer de l'eau, il faisait exprès de se laisser couler. J'ai dû appeler au secours. Quelques ouvriers qui passaient par là m'ont donné un coup de main. Et finalement, nous l'avons repêché, et puis on l'a conduit à la police. » Le juge complimenta la femme sur la vigueur de ses biceps, et un rire déferla parmi l'auditoire. Mais moi, tout ce que je voyais là, c'était un garçon de 20 ans à peine, au seuil de l'existence, et qui faisait exprès de se laisser couler dans l'eau bourbeuse pour y mourir, et tout cela ne prêtait certes pas à rire. Un homme vint ensuite se présenter à la barre pour témoigner des bons antécédents du jeune garçon et présenter quelques circonstances atténuantes. Il était, ou avait été, je ne sais plus, quelque chose comme le contremaître du garçon. Alfred était un brave gosse, mais il avait chez lui de gros ennuis. L'argent manquait, et sa mère était tombée malade. Alors il prit les choses à cœur et travailla bien au-dessus de ses forces, tant qu'il n'en perdit la santé, et qu'il devint du coup impropre à tout travail. En tant que contremaître, lui, dans l'intérêt de sa propre réputation, et devant le travail de plus en plus mauvais du garçon, avait été obligé de lui demander sa démission. « Quelque chose à dire ?» demanda brusquement le juge. Le garçon dans le box murmura quelque chose d'incompréhensible. Il était toujours ébloui par la lumière. « Que dit-il, garde ?» interrogea le juge avec impatience. Le grand gaillard en bleu pencha son oreille vers les lèvres de l'accusé et répondit à haute voix. « Il dit qu'il regrette beaucoup, votre honneur. » « Renvoyé à une autre audience, dit son honneur. » Et le cas suivant était déjà en route, le premier témoin venant tout juste de prêter serment. Le jeune garçon, toujours ébloui et les yeux toujours hagards, sortit avec son geôlier. Le tout avait duré 5 petites minutes, du commencement à la fin. Maintenant, 2 brutes épaisses dans le box des accusés essayaient de se rejeter la responsabilité de la possession d'une canne à pêche volée, qui devait bien valoir 10 sous. Le grand inconvénient, pour tous ces pauvres bougres, c'est qu'ils ne savent pas comment en terminer avec la vie, et sont obligés de faire 2 ou 3 tentatives avant d'y arriver. Cette façon d'agir est une source d'ennui sans fin pour les constables et les juges, et quelquefois ils ne se gênent pas pour le leur dire, et réprimant de vertement les accusés pour l'inefficacité de leurs essais. Par exemple, M. R.S., qui préside l'un des tribunaux de Londres dans l'affaire Hanwood l'autre jour. Celle-ci avait essayé de mettre fin à sa vie en se jetant dans le canal. « Si vraiment vous aviez l'intention de le faire, pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? une bonne fois pour toutes, lui dit Monsieur R.S. avec une sincère indignation. Pourquoi ne vous êtes-vous pas jeté à l'eau et à en finir, au lieu de nous donner tous ces soucis et de venir nous ennuyer ici ? La pauvreté, la misère et la crainte de l'asile sont les causes principales du suicide parmi les classes laborieuses. « Je me noierais plutôt que d'entrer à l'asile », avait annoncé une certaine Hélène Hugues, âgée de 55 ans. Mercredi dernier, on a ouvert une enquête après la découverte de son cadavre, à Shoreditch. Son mari est venu tout exprès de l'asile d'Islington pour témoigner. Il a raconté qu'il avait été marchand de fromage, mais que son affaire avait périclité, que la pauvreté l'avait conduit à l'asile, mais que sa femme avait refusé de l'y suivre. On l'avait aperçu vers 1h du matin, et 3 heures plus tard, on avait retrouvé son chapeau et sa veste sur le chemin de halage du canal du Régent. Un peu plus tard, on a repêché son corps de la Tamise. Verdict, suicide pendant une crise de folie passagère. De tels verdicts sont un crime contre la vérité. La loi est un mensonge, et à travers elle, les hommes mentent sans aucune pudeur. Par exemple, cette malheureuse femme, qui, abandonnée et méprisée de tous, sans parents et sans amis, avait avalé une certaine dose de laudanum, après en avoir fait absorber une autre à son bébé. Le bébé était mort, mais elle s'en était tirée avec quelques semaines d'hôpital. On la condamna pour meurtre à 10 ans de travaux forcés. Comme elle s'était rétablie et n'avait pas réussi à mourir, la loi la tenait pour responsable de ses actes. Mais si elle avait été morte, la même loi aurait déclaré qu'elle avait été sous le coup d'une crise de folie passagère. Considérons maintenant le cas d'Hélène Hugues Hunt. On aurait tout aussi bien pu prétendre que son mari souffrait d'une crise de folie passagère lorsqu'il avait décidé d'entrer à l'asile d'Islington, comme on a dit qu'elle souffrait de cette même folie passagère lorsqu'elle s'est jetée dans le canal du Régent. Lequel de ces deux séjours est préférable à l'autre? C'est une question de point de vue et d'appréciation. Si j'avais été dans une situation similaire, de tout ce que je sais maintenant des canaux et des asiles, je crois bien que j'aurais choisi le canal. Et je ne pense pas être plus fou qu'Hélène Hugues Hunt, que son mari et que tout le reste de l'humanité. On ne suit plus avec autant de fidélité naturelle de nos jours ce vieil instinct de conservation. L'homme est devenu une créature raisonnable et peut, grâce à son intelligence, se cramponner à la vie ou bien y renoncer, selon que cette vie lui promet de grands bonheurs ou de grandes peines. J'ose prétendre que Hélène Hugues Hunt, frustrée et escroquée de toutes les joies de l'existence, après avoir passé 52 années à travailler comme une esclave, avec comme seul avenir toutes les horreurs de l'asile, a au contraire fait preuve de beaucoup de bon sens et de pondération lorsqu'elle s'est jetée dans le canal. Bien plus, j'ose affirmer, que le jury aurait fait preuve de sagesse en présentant un verdict accusant la société de folie passagère, pour avoir permis à Hélène Hugues Hunt d'être frustrée et escroquée de toutes les joies de l'existence, qu'aurait dû lui procurer 52 années de travail acharné. Folie passagère, ces deux mots sont maudits. Ce sont des mensonges du langage, derrière lesquels les gens, qui ont le ventre plein et le dos bien au chaud, sous leurs belles chemises, s'abritent et se soustraient à la responsabilité de leurs frères et de leurs sœurs, qui, eux, ont le ventre vide et n'ont pas de belles chemises à se mettre. Je cite, extrait d'un numéro de l'Observeur, un journal de l'East End, les exemples suivants qui ne sont pas exceptionnels. Un soutier de bateau nommé Johnny King était accusé d'avoir tenté de se suicider. Mercredi dernier, il s'est présenté au commissariat de police de Beau et déclara qu'il avait avalé une quantité assez importante de pâtes de phosphore, parce qu'il était sans le sou et n'arrivait pas à trouver du travail. On fit alors entrer King et on lui administra un émétique qui lui fit rejeter une grande quantité de poison. L'accusé déclare maintenant qu'il regrette beaucoup. Il a 16 ans. A un caractère agréable, mais est incapable de trouver du travail. M. Dickinson a demandé à ce que l'accusé soit confié à l'assistance sociale, pour qu'elle s'occupe de lui. Timothy Warber, 32 ans, a vu son jugement renvoyé à Huitaine pour la même accusation. Il avait sauté dans l'eau du haut du phare de la jetée, et quand on l'a repêché, il a prétendu qu'il avait réellement eu l'intention de se suicider. Une jeune fille d'un très bon genre, nommée Hélène Gray, a vu elle aussi son jugement renvoyé à Huitaine. Elle était accusée, comme dans le cas précédent, d'avoir essayé de se donner la mort. Vers 8h30 dimanche matin, le constable 834K a trouvé l'accusée étendue sous une porte dans Benward Street et elle était dans un état de somnolence très suspect. Elle tenait une bouteille vide à la main. et a reconnu que 2 ou 3 heures auparavant, elle avait avalé du laudanum. Comme elle était manifestement malade, on a prévenu le médecin divisionnaire qui, lui ayant fait prendre du café, a demandé à ce qu'on la tienne éveillée. Lorsque la prévenue a été accusée, elle a déclaré que ce qui l'avait amenée à vouloir mettre un terme à sa vie, c'est qu'elle s'était trouvée sans logement et sans amis. Je ne prétends pas que tous les gens qui se suicident sont en pleine possession de toutes leurs facultés, et je ne me porte pas garant de la santé morale de tous ceux qui ne se suicident pas. L'insécurité de la nourriture et l'incertitude d'un abri pour la nuit, à ce propos, sont des facteurs principaux de l'aliénation mentale. Les marchands des quatre saisons, les camelots et les colporteurs, une classe de travailleurs qui vivent au jour le jour, bien plus que tous les autres travailleurs, constituent le pourcentage le plus élevé de ceux qui remplissent les asiles d'aliénés. Parmi les hommes, chaque année, 26,9 pour 10 000 deviennent fous, tandis que chez les femmes, le pourcentage est encore plus élevé, 36,9. D'un autre côté, chez les militaires, qui ont au moins le gîte et la nourriture assurée, 13 individus sur 10 000 deviennent fous. Et chez les fermiers et les gens de la campagne, on ne trouve que 5,1 fous sur 10 000. Ainsi donc, un marchand ambulant a 2 fois plus de risques de perdre la raison qu'un soldat, et 5 fois plus qu'un agriculteur. Le chagrin et la misère sont aussi 2 causes puissantes pour déranger le cerveau, et conduire les gens soit à l'asile d'aliénés, soit à la morgue, ou encore à la potence. Lorsqu'un accident arrive, et que le père ou le mari, malgré tout l'amour qu'il porte à sa femme et à ses enfants, malgré sa volonté de retravailler, n'arrive pas à se réemployer, il suffit de peu de choses pour que sa raison chancelle et que la flamme de son cerveau vacille. Surtout si son corps est affaibli par la malnutrition, et que son esprit est déchiré par la vue de sa femme, qui souffre et de ses chers enfants. C'est un bel homme, avec d'abondants cheveux noirs, des yeux expressifs, un nez et un menton finement ciselés. C'est dans ces termes que le reporter de mon journal décrivait Franck Cavilla, le jour où il a comparu au banc des accusés, ce triste mois de septembre, vêtu d'un costume gris très usé et ne portant pas de faux col. Franck Cavilla exerçait, à Londres, la profession de décorateur d'appartements. Il a la réputation d'être un bon ouvrier, régulier dans son travail, sobre, et tous ses voisins sont d'accord pour reconnaître qu'il était un gentil mari et un père intentionné. Sa femme, Anna Cavilla, était elle aussi grande, belle, et n'avait que peu de soucis. Elle veillait à ce que ses enfants arrivent bien propres et bien lavés, tous les voisins ont pu le constater, à l'école primaire communale de la rue Childéric. Et ainsi, avec un tel mari, qu'elle dorlotait, qui avait un travail régulier et ne buvait pas, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et l'on mettait souvent les petits plats dans les grands. C'est alors que le malheur se produisit. Franck Cavilla travaillait pour le compte d'un certain Monsieur Beck, entrepreneur, qui le logeait dans l'une de ses maisons sur la route de Trunley. Monsieur Beck fut jeté à bas de son cabriolet et fut tué sur le coup. La cause de cet accident était un cheval fougueux. Et à cause de la mort de Monsieur Beck, Cavilla dut chercher un nouvel emploi et une nouvelle maison. Cela s'est passé il y a 18 mois. Pendant 18 mois, il s'est battu comme un pauvre diable. Il avait bien trouvé quelques chambres dans une petite maison sur la route de Batavia, mais n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Il ne pouvait pas obtenir de travail régulier, ce qui l'obligeait à prendre un peu tout ce qui se présentait. Et il voyait sa femme et ses 4 enfants dépérir sous ses yeux. Lui-même ne mangeait pas à sa faim. Il était devenu très maigre, puis tomba malade. C'était il y a 3 mois, et il n'avait plus rien à manger. Il ne se plaignait pourtant pas, ne disait pas un mot, mais entre pauvres, on se comprend sans parler. Les ménagères de la route de Batavia leur faisaient porter de la nourriture, mais les Cavilla étaient si respectables que tout se passait anonymement, mystérieusement, de façon à ne pas heurter leur fierté. Catastrophe était arrivée. Il avait combattu, il s'est déprivé, et avait souffert comme un diable ces 18 derniers mois. Il s'était réveillé un beau matin de septembre à l'aube, avait ouvert son grand couteau de poche et avait froidement tranché la gorge de sa femme, Anna Cavilla, qui avait 33 ans, puis celle de son fils aîné, Franck, âgé de 12 ans. Il égorgea ensuite son 2e fils, Walter, 8 ans, puis sa fille Nelly, 4 ans, et pour terminer son dernier-né, Ernest, qui n'avait que 16 mois. Il passa le reste de la journée à veiller ses morts jusqu'au soir lorsque la police arriva. Il leur dit de glisser un penny dans la fente du compteur à gaz pour qu'ils puissent avoir de la lumière pour voir. Franck Cavilla se tenait debout devant le tribunal, avec son petit costume, gris très élimé, et sans faux col. C'était un bel homme, à l'abondante chevelure noire, aux yeux expressifs, au nez et au menton délicatement ciselés, et dont la lèvre supérieure s'ornait d'une moustache soyeuse.